Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas? Semblable à toi-même, pauvre con. Et voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cet air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non. Je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pour un con. Figure blême au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pour un con. Sur ta figure blême au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pour un con.